Bonjour, je m'appelle Antoine Roux, je suis français. Donc moi, je suis rentré dans la science tout petit. J'ai toujours été passionné par la science. J'ai fait mes classes en France, mon université en France, et ensuite toujours en biologie et toujours étant vraiment uniquement intéressé par la science de la vie. J'ai ensuite déménagé à Montréal, au Québec, où est-ce que j'ai commencé une thèse, et c'est là que j'ai commencé à travailler sur le vieillissement et que j'ai découvert à quel point le vieillissement était un sujet passionnant et sûrement un des grands mystères encore qui reste à comprendre dans la biologie et même, j'ai envie de dire, dans l'humanité. Donc j'ai commencé mes recherches à Montréal, à l'Université de Montréal, avec trois différents professeurs, et j'ai travaillé donc sur le vieillissement de la levure, donc un champignon d'une seule cellule, tout petit, microscopique, et j'ai travaillé sur la manière dont en fait ces organismes, ces cellules, ces unicellulaires peuvent résister au temps, tout simplement, combien de temps ils peuvent survivre, et la manière dont le glucose et notamment pouvait réguler cette longévité. Et donc, sur ce, une fois, après environ 5 ans de dur labeur dans le laboratoire, j'ai été recruté à San Francisco pour continuer mes recherches sur le vieillissement. Et donc, j'ai commencé à travailler il y a environ 5 ans à San Francisco, l'université UCSF, qui veut dire l'University of California, San Francisco, qui est une des grandes universités de recherche médicale. Et j'ai eu la chance donc d'intégrer le laboratoire de Cynthia Kenyon, qui est une des, j'ai envie de dire, une des grandes papesses de la recherche sur le vieillissement. Donc Cynthia, en fait, a été une des pionnières il y a environ 25 ans, 30 ans, a commencé ses études et a décidé d'étudier le vieillissement, donc la longévité. Et à l'époque, personne ne s'intéressait au vieillissement. C'était vraiment pas quelque chose qui était considéré comme intéressant, parce que les chercheurs, les scientifiques croyaient que c'était juste la destinée, qu'il n'y avait absolument rien qu'on pouvait faire pour le réguler, et donc qu'il n'y avait pas vraiment de fonction cellulaire qui régulait le vieillissement. Et en fait, Cynthia, donc, elle a travaillé avec ce petit ver, un ver qui s'appelle Ceonorhabditis elegans, qui fait juste 1 mm de long, qui vit dans la Terre et qui est extrêmement pratique pour nous, les scientifiques, puisqu'il est transparent, il a une très courte durée de vie. Et donc, avec cet outil, Cynthia, elle a fait les premières donc, études génétiques pour essayer de comprendre vraiment quels sont les gènes qui régulent la longévité. Et elle a trouvé, en allant à la pêche un petit peu, donc on fait des expériences où on modifie les gènes et on va à la pêche aux gènes. Et elle a trouvé un gène qui pouvait multiplier par deux la durée de vie. Donc ça, c'était un petit peu une bombe dans le milieu scientifique, puisque à l'époque, il n'y avait pas vraiment de communauté qui travaillait sur le vieillissement. C'était tout nouveau. Et donc là, les gens ont réalisé à quel point, en fait, la longévité pouvait être régulée, tout simplement, par nos propres gènes. Donc, en partant de là, petit à petit, la communauté s'est vraiment agrandie. Il y a maintenant aujourd'hui des milliers de laboratoires qui travaillent sur le vieillissement. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de comprendre quels sont tous les mécanismes cellulaires, à l'intérieur de la cellule, toutes les fonctions, tous les gènes, les protéines, etc., qui régulent la longévité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une cellule reste en vie par rapport à une cellule qui va mourir plus rapidement? Donc Cynthia, la découverte qu'elle a faite, le gène qu'elle a trouvé, qui permettait à ces petits vers de vivre si longtemps, c'était un gène en fait qui était impliqué dans l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone que tous les mammifères ont, et même la plupart des vertébrés, et même des invertébrés, qui régule en fait la manière dont les cellules utilisent le glucose, c'est-à-dire le sucre, en fait. Donc c'est juste des signaux que les cellules reçoivent et qui leur dit, OK, maintenant tu dois consommer l'énergie ou tu consommes pas d'énergie. Et donc, ce qu'elle a montré, c'est que quand les vers perdent ce signal, donc ils n'ont plus la capacité de savoir quand est-ce qu'ils doivent utiliser leur énergie, et bien ils vivent beaucoup plus longtemps. Et ce qui a été vraiment fondamental, je crois, pour montrer que ces recherches étaient vraiment importantes pour nous, les humains, puisque évidemment, quand on fait de la recherche scientifique, on essaye quand même, on est un peu anthropomorphe, on essaye de faire quelque chose qui va être utile pour nous. Et donc, ce qui a été découvert plus tard, c'est que le même gène ou le gène équivalent chez la souris avait le même effet. Et donc, aujourd'hui, par exemple, ça a été découvert notamment d'abord par un laboratoire français, c'est que en modifiant ce gène-là chez la souris, l'équivalent, la souris a aussi une augmentation de sa durée de vie, donc d'environ 60%, ce qui est quand même énorme aussi. Bon, la souris est un peu plus petite, elle se développe plus lentement, mais elle vit beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'était vraiment une autre découverte assez intéressante. Et en fait, le but de tout ça, c'est qu'on pense que en étudiant la manière dont les cellules vieillissent, on pourrait peut-être trouver des manières de soigner les maladies qui sont liées à l'âge. Donc, par exemple, le cancer en est une. Évidemment, les enfants ont très peu de cancer. C'est exceptionnel quand on a un enfant. Donc, c'est que 30% des gens meurent du cancer. Donc, en général, ce sont des gens âgés. Il y a aussi les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Ça, ce sont aussi des maladies dont la première cause est le vieillissement. Et il y en a d'autres, mais rien que... Et les maladies du cœur, évidemment. Ces trois maladies-là, on a déjà quasiment la plupart des causes de mortalité chez les humains, en fait. Donc nous, on pense que vraiment en s'attaquant à ces voies-là, c'est-à-dire en disant aux cellules, OK, maintenant, peut-être, essaye de ralentir ton vieillissement. Eh bien, on pourrait peut-être, par exemple, ralentir la propagation d'Alzheimer ou même prévenir du cancer, etc. Donc, c'est aujourd'hui une voie d'étude qui est en pleine explosion et on est à deux doigts d'avoir les premières applications dans la médecine, les premières drogues, en fait, les premiers médicaments qui découlent de ces recherches qui ont commencé à 30 ans. Donc mon idée, en fait, c'était, au lieu d'utiliser une approche classique qui est en général de modifier des gènes et puis de regarder la longévité, j'ai décidé d'utiliser en fait la particularité qu'a ce petit ver C. elegans d'être transparent. Donc avant tout, il faut dire que c'est un ver qui est grand, à peu près comme une virgule dans une phrase, c'est-à-dire on le voit à peine à l'œil nu. On utilise des microscopes pour travailler avec. Et le fait qu'il soit transparent, ça apporte vraiment un avantage incroyable, c'est qu'on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur de lui pendant qu'il vit et pendant qu'il vieillit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé des mois et des mois à regarder toutes sortes de mécanismes ou de différentes choses qui se passaient dans les cellules du ver, notamment dans le muscle. Et j'ai regardé la façon dont il vieillissait, tout simplement. Et j'ai trouvé j'ai confirmé qu'il y a plein d'aspects qui changent avec le vieillissement, des aspects au niveau moléculaire. Donc j'ai vu que les cellules avaient donc montré des signes de modification au cours de l'âge, donc ce que j'appelle des marqueurs de vieillissement. Et donc, par exemple, les cellules de muscle, on va avoir les mitochondries, donc qui sont à l'intérieur de la cellule, ces usines à énergie un petit peu, qui changent, elles changent de forme. Donc j'ai étudié ça comme marqueur de vieillissement. J'ai aussi étudié les protéines qui agrègent, et j'ai étudié aussi des changements de comportement. Donc elles sont moins résistantes à certains stress. En fait, c'est tout ce qui se passe un peu qui définit un peu qu'un ver est vieux. Et donc, une fois que j'avais cette liste de marqueurs de vieillissement, j'ai fait une découverte assez intéressante, c'est que j'ai découvert que même les larves pouvaient vieillir. Donc, la larve, en fait, c'est l'adolescent, le ver adolescent ou le ver enfant, en quelque sorte. C'est un ver qui est encore plus petit qu'un ver adulte et qui n'a pas terminé sa croissance. Et ces vers-là, dans un certain cas très particulier, ils peuvent vieillir. Et donc, en fait... Donc le ver, lorsqu'il est mis dans un état de diète, de jeûne, Donc il a absolument pas de nourriture. Et imaginez un enfant qu'on met tout d'un coup à la diète. Donc évidemment chez l'homme, il va pas faire long feu, il va surtout vous casser les oreilles. Mais chez le ver, ce qui se passe, c'est qu'ils survivent pendant extrêmement longtemps, encore plus longtemps qu'une durée de vie normale d'adulte. Ils peuvent vivre pendant des semaines comme ça. Ils attendent la nourriture tout simplement et ils se mettent dans un état d'hibernation. Et j'ai montré que dans cet état d'hibernation, en absence de nourriture, tous les mêmes signes de vieillissement que j'avais observés chez l'adulte apparaissaient chez le jeune ver. Donc les mitochondries, etc., les protéines agrègent, ils commencent à perdre leur résistance, ils perdent leur habilité à résister au stress, et puis plein d'autres choses. Donc en fait, vraiment, ça tendrait à prouver que ces vers-là, en fait, ils ont un peu comme ils vieillissent avant même d'être adultes. Je ne sais pas si peut-être vous avez déjà vu le film qui s'appelle The Curious Case of Benjamin Button avec Brad Pitt, où c'est un enfant qui naît vieux et qui, au cours de sa vie, rajeunit. Et bien, ce que j'ai montré, c'est un peu la même chose, c'est que les vers, on peut les faire vieillir en tant que larves, et une fois qu'on les renourrit, donc on leur rapporte la nourriture, cette nourriture qu'ils attendaient pour repartir, et bien ils rajeunissent, et ensuite ils reprennent leur croissance, et ils redeviennent un adulte, et là ils ont une durée de vie normale. Ce sont des adultes presque normaux. Ils ont quand même quelques séquelles, c'est-à-dire qu'ils vont pondre moins d'œufs, mais ils ont une durée de vie normale, ils sont à peu près normaux. Donc ça c'est vraiment un peu un dogme que je brise, puisque je montre que au cours d'une même vie, on peut avoir deux cycles de vieillissement, et notamment avoir un cycle de rajeunissement entre les deux. Et donc, ce que j'étudie en ce moment, c'est j'essaie de comprendre quels sont les gènes qui sont impliqués et qui sont requis pour que les vers qui ont donc vieilli enfant aient la capacité de rajeunir pour redevenir adulte, en fait. Et donc c'est ce que je fais en ce moment. Alors j'ai repris les études classiques de génétique, et donc j'ai étudié différents, on appelle des mutants, c'est-à-dire des vers pour qui on a enlevé certains gènes, et j'ai trouvé quels étaient les gènes qui étaient impliqués, notamment certains, parce qu'il y a certainement une grande liste, mais j'en ai trouvé certains qui sont nécessaires pour que ces petits vers rajeunissent. Donc en fait c'est un sujet, je crois, qui est vraiment important aujourd'hui. Et en fait, la grande question, la question à 1 million, c'est est-ce que ces mécanismes donc, que le ver aurait pour contrôler son vieillissement et notamment pour faire marche arrière, est-ce que ces mécanismes-là existent chez l'humain?